Le manoir intérieur par Adrien Belli. Alain et son compère Thibault s'en allaient au champ, la bêche sur l'épaule. Ils étaient à tel point plongés dans leurs pensées que chacun d'eux, oubliant la présence à ses côtés de son compagnon de route, marchait comme s'il était seul. Comme ils passaient à proximité du manoir de Maulieu, dont la légende, bien établie dans le pays, disait qu'il avait toujours été en ruine, Alain leva machinalement les yeux vers la grande tour qui était percée en son milieu d'une seule fenêtre, et il ne put s'empêcher de pousser un cri « Oh !» Thibault leva à son tour la tête dans la même direction et cria aussi « Oh !»« Tu l'as vu ?» fit Alain. « Comme toi !» répondit Thibault. « Là, accoudée à la fenêtre, c'est bien elle !»« À n'en pas douter, mon compère, et pourtant ce n'est pas possible !»« Nous sortions à peine du village, » dit Alain, « elle y était !»« C'est justement ce que j'allais te dire !» répliqua Thibault. Elle ne saurait donc être maintenant derrière cette fenêtre, et pourtant elle y est. Elle y est. Il y a là quelque chose de diabolique. Tous deux se signèrent. Il faut que j'en aie le cœur net, s'écria Alain. Avant que Thibault eût pu dire un mot ou même l'arrêter d'un geste, il s'était élancé vers le manoir et avait pénétré dans le donjon. Il grimpa du mieux qu'il put, s'accrochant aux rares débris de ce qu'avait été un escalier, et parut enfin à la fenêtre. « Il n'y a plus personne » cria-t-il à Thibault. « Il n'y a plus personne depuis que tu es là, » répondit Thibault. « Elle vient de disparaître comme tu paraissais. » Quand Alain fut revenu auprès de Thibault, celui-ci lui déclara qu'à peine avait-il quitté la fenêtre, la femme s'y était montrée de nouveau. Et il s'élança à son tour vers le manoir, voulant lui aussi contrôler le témoignage de ses yeux. Les mêmes phénomènes de disparition et de nouvelle apparition se produisirent. Tout cela dépasse notre entendement, dit Alain à Thibault. Si tu m'en crois, nous allons consulter Don Cléophas. Allons consulter Don Cléophas, répéta Thibault. Don Cléophas était un vieux père dominicain, connu et respecté pour sa grande piété, ses hautes vertus, sa profonde connaissance du monde et des âmes. Il vivait, solitaire et méditatif, dans un modeste ermitage situé au cœur de la montagne toute proche. Les deux compères pénétrèrent auprès de lui et lui racontèrent ce qu'ils venaient de voir. Pendant qu'ils parlaient avec précipitation, s'interrompant à l'envi et parfois pérorant en même temps, l'ermite les observait avec attention et leur grande agitation ne lui parut point uniquement due à l'étrangeté des faits qu'ils lui rapportaient. Quand ils eurent terminé leur récit, il les regarda encore pendant quelques instants, sourit avec indulgence et leur dit « Êtes-vous bien certains, mes chers fils, de la réalité d'un tel prodige ?»« Nous l'avons constaté tous les deux, mon père, » répondit Alain. « N'est-ce point au-dedans de vous que s'est produite une vision que vous avez crue extérieure ?»« Je ne comprends pas, mon père, » fit Thibault. « Moi non plus, » dit Alain. « Je vais tâcher de m'expliquer, mes fils, » reprit donc Cléophas. « Vous parlez de manoir enchanté. Il n'y a pas de manoir enchanté. Où s'il y en a un, c'est en vous qu'il est. Chacun de nous possède un manoir intérieur, » dont les fenêtres, largement ouvertes vers l'infini, encadrent parfois, comme s'ils étaient devenus soudain réels, les images qui projettent notre pensée, quand notre cœur en est trop plein. Alain et Thibault ne purent s'empêcher de rougir en entendant ces derniers mots. L'ermite poursuivit. « Il y a une femme, mes enfants, à laquelle vous pensez trop tous les deux. Et cela est fort triste, car il en pourra résulter, pour elle comme pour vous, que du trouble, de la discorde et de la douleur. » « Vous me la baillez belle, mon père, » s'écria Alain, « avec votre manoir intérieur et vos prédictions. Je vous dis que j'ai véritablement vu apparaître à la fenêtre du donjon Madame Babet, épouse de mon compère Thibault. »« Vous avez la berlue, compère, » cria à son tour Thibault. « La femme qui parut à la fenêtre du donjon était Madame Dorothée, votre épouse. » À peine avait-il prononcé ces paroles qu'ils se repentirent de les avoir laissées échapper. Ils détournèrent les yeux et rougirent de nouveau. Don Cléophas se rendit compte alors que les choses étaient beaucoup plus graves encore qu'il ne l'avait supposé. Mais avec sa grande connaissance du cœur des hommes, il comprit qu'il n'était point irréparable. « Allons, » fit-il avec un sourire dégagé, « je crois bien que je ne vous ai dit que des sottises, et que vous n'avez rien vu ni l'un ni l'autre. » Pourtant, dit Alain d'une voix sourde, « si mon compère Thibault est certain. »« Si mon compère Alain est sûr, » dit Thibault d'un air sombre, « Eh bien, » déclara l'ermite sur un ton péremptoire et avec un regard dominateur, « nous allons nous rendre tous les trois au manoir, et je ne doute pas, entendez-vous, mes fils, je ne doute pas que vous y reconnaissiez votre erreur. » Quand ils arrivèrent en face de la fenêtre de la tour, dont Cléophas dit « Regardez, mes fils, regardez, et vos yeux se dessilleront. » Mais soudain il étendit les bras, ses yeux brillèrent d'un radieux éclat et il s'écria « Je savais que vous vous étiez trompé, et ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la Sainte Vierge. Regardez, regardez là-haut à la fenêtre, la voyez-vous ? La voyez-vous comme je la vois moi-même ? Elle étend vers vous ses bras dans un geste d'adorable miséricorde. » Il se prosterna. Alain et Thibault comprirent alors à quel point donc Cléophas avait raison, quand il leur disait que chacun de nous possède un manoir intérieur, où prennent forme les images que projette notre pensée, quand notre cœur en est plein. Et comme l'ermite murmurait « Je vous salue, Marie, pleine de grâce », ils s'agenouillèrent à ses côtés, et dans un grand mouvement de repentir, demandèrent au bon Dieu de leur pardonner leurs désirs coupables. C'était Le Manoir intérieur par Adrien Billy.